Ça a commencé comme ça, la fille. Ouais, allô. Ouais, ça va. Dis-moi, je comprends pas, là. Y a plus d'épisode de Comment Passant. Ah, d'accord. Ah, punaise. Maintenant, je regarde jamais sur Twitter, moi. Il aurait pu le dire, ou je sais pas, autrement, non? Il pouvait pas faire un petit message audio à caractère informatif? Bah ouais, là, sinon, il va perdre des abonnés, je comprends pas. C'est pas très malin. Non, sur iTunes, ça se fait automatiquement. Mais dès que tu utilises une application, genre Podcast Addict, Podcast ce que tu veux, et ben t'es obligé de te désabonner, hein, tu supprimes le truc de ta l'appli, enfin pas l'appli, tu jettes pas ton téléphone à la poubelle, tu te désabonnes, tu supprimes ce que t'avais comme abonnement là, comme En Passant, et tu es obligé de rechercher comme En Passant dans le catalogue de podcast. Ah oui ? Ah, il a fait ça ? Ah, ça c'est pas con, mais je l'ai pas vu, tu vois. Ouais. Donc sur l'ancien flux, là, je vois, il y a la vignette, c'est une grosse image jaune dégueulasse avec un petit message pour dire de se désabonner, et c'est marqué ancien flux. Attends, je cherche. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah il a changé son logo, il est tout bleu, tout rose, c'est joli ça, c'est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il fout ce gars, il fait n'importe quoi. Ok. Non, alors, je viens d'essayer là sur Google Podcast, c'est n'importe quoi, ça se met pas à jour, les flux en fait. Ah bah toi aussi t'as des problèmes. Ah bah c'est pas que Comment Passant en fait, c'est tout le temps. C'est une appli de merde en fait, ouais. Mais Google, non. Hein. Moi je vais repasser sur Apple ou je sais pas quoi, je vais vendre mon âme aux Chinois, moi. Moi je vends mon âme aux Chinois. Ouais. Ok. Très bien. Ouais, t'as rencontré un clodo qui t'a dit quoi? Ok. Ah, chelou. Bon. Faites passer le message, hein, faites passer le message aussi. Hein. Je ferai passer le message, hein. Vous vous désabonnez de Comme En Passant. Sur l'application que vous utilisez, vous recherchez de nouveau le flux Comme En Passant, vous allez voir un nouveau logo, je leur dirai ça comme ça, moi. Ouais, ils vont comprendre quand même, ils sont pas cons, hein, c'est des petits tards quand même. Et de Comme En Passant en plus, je pense que c'est quand même c'est les meilleurs, les mecs. Ouais. Bah oui, c'est pas comme s'ils écoutaient. Ok. Allez, salut. Merci du tuyau, hein. Sinon je serais resté bloqué comme un crétin. Allez, ciao.